Dimanche 4 septembre, bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous pour la prochaine heure pour vous parler des différences, comme à l'habitude. Mais c'est la dernière de la saison estivale, déjà. Donc, écoutez, vous allez pouvoir nous réentendre quand même parce que à partir de vendredi prochain, à partir du 9 septembre, on va être les vendredis à 9h. Donc, tous les vendredis matin, je vais pouvoir vous accompagner. Vous allez pouvoir continuer à nous suivre aussi à partir des podcasts sur CKRL, sur le site. Vous allez pouvoir aussi, avec le site revampé, nous écouter en direct. Ça va être vraiment beaucoup plus facile. Et puis, pour la dernière, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'éducation. On est avec la rentrée des classes, on est en plein dans le sujet. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus tard justement de ce qui se passe au Danemark, de différent. Qu'est-ce que les Danois font de différent qu'on fait pas ici? Mais aujourd'hui, je reçois, j'ai vraiment le studio est rempli. On a 4 invités. C'est quand même pas rien, on en a beaucoup. D'où est-ce que ça part? En juin dernier, dans le Journal de Québec, on avait fait un dossier, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui regroupait les meilleurs profs du Québec. Puis c'est là que j'ai vu un titre qui m'a tout de suite interpellée. Puis c'est le titre, c'était « Le prof extraterrestre ». Puis vous le savez, moi, avec les différents, j'aime ça, ce que j'appelle affectueusement « bizarre ». Donc, c'est rien de péjoratif, c'est que du positif pour moi. Mais on parlait dans l'article justement d'un prof qui utilisait le jeu Minecraft pour faire apprendre les volumes, pour faire apprendre les airs, tout ça. Sur la photo, on voyait une belle chaise berçante en plein milieu. Je ne sais pas s'il y a encore ça parce qu'on n'a aucunement de pupitre dans place. On a des chaises quand même. On va pouvoir me le dire, je les verrai. Et puis, c'est ça, on a des projets de robotique, c'est vraiment un principe de PME, puis le résultat dans tout ça, ça a l'air à fonctionner, puis ça a l'air à vraiment bien fonctionner. Donc, avec moi, j'ai mes 4 invités, vous allez voir, ils sont super attachants déjà. J'ai Éric Tremblay, je vais vous allumer vos micros pour vous autres, on va vous mettre à on. Merci. Donc, j'ai Éric Tremblay et José Martel, les deux professeurs de 6e année, Megan, qui est en 6e année, et Delphine, qui est rendue en secondaire 2, mais qui a passé par l'équipe de M. Éric. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Qui est le prof extraterrestre? C'est Éric, hein? Bonjour, Éric. Bonjour. Prof extraterrestre, est-ce qu'on l'assume? On l'assume, et on l'assume très bien. De toute façon, cette semaine, il y a justement des élèves qui m'expliquaient que, bizarre, la plupart du temps, quand ils l'utilisaient, c'était un compliment. C'est un compliment. Donc, tu parlais de bizarre tantôt. Fait que... Pour moi, c'est un compliment. Quand je dis que je cherche des bizarres, c'est des compliments que je donne en même temps. José Martel, vous, on peut se tutoyer. Oh, on se tutoyait en dehors des ondes. On va continuer en ondes aussi. Prof de 6e année aussi depuis cette année. Oui, nouvellement. Donc, ancienne 4e année. Oui. Maintenant 6e depuis peu. Puis on emboîte le pas de la manière enseignée d'Éric, oui, de Monsieur oui. Éric. Oui, vient d'un sentiment de vouloir enseigner autrement. Oui. Donc, j'avais la meilleure personne à porter, la meilleure ressource. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? Ben oui, puis il était dans la même école. Et puis, Megan et Delphine, bonjour. Bonjour. Allô. Salut. On a une nouvelle qui est... oh oui, tu peux l'avancer le micro, c'est pas grave, on va comprendre ça. Nouvelle étudiante de 6e oui, année. Oui. Et puis, toi, tu avais déjà vu un petit peu ce que M. Éric faisait. Oui, oui, oui, j'allais souvent rendre visite à M. Éric de temps en temps. Oui. Puis, Delphine, je vous mêle les filles, désolée. Delphine, toi, tu es secondaire 2, et puis... toi, tu as vu un petit peu là, qu'est-ce que ça faisait, là, le changement de la classe, du type d'enseignement de M. Éric versus le secondaire qui est plus conventionnel avec oui, plein de profs. Exactement. J'ai passé 2 ans dans l'équipe de M. Éric, donc je m'y connais assez bien. Oui, hein? 2 ans? 2 ans. OK. Et Delphine m'a beaucoup aidé justement dans la dernière année avec tout ce qui est l'histoire de transition, parce que c'est bien beau en 5, en 6e année, mettre plein de choses en place avec les élèves et tout ça, croire dans le produit qu'on offre, essayer d'enseigner autrement, s'inspirer des meilleurs, puis il y en a beaucoup. On parlait d'extraterrestres tantôt, mais je suis loin d'être le seul dans le cosmos des bizarres. Il y en a plein d'autres au Québec et ailleurs. Oui. Mais une fois que les élèves vont au secondaire, t'sais, oui, on les revoit, mais t'sais, c'est rare qu'on s'assoie pour parler pédagogie comme Delphine était impliquée dans ma ligue de basketball l'année dernière, ben ça m'a donné l'occasion presque une fois par semaine de parler avec elle de la transition vers le secondaire, comment ça se passe, c'est quoi les différences avec moi, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais peut-être dû dire, les erreurs que j'ai pu faire. Puis déjà cette année, j'ai ajusté des choses en cours d'année l'année dernière suite aux discussions que j'avais avec elle. Puis cette année même, encore une fois, c'est une autre chose que j'offre, en lumière entre autres, à la lumière des commentaires qu'elle m'a fait. Mais parlons-en de l'enseignement. Le type d'enseignement que tu fais, que tu as proposé à cette école-là, c'est quoi exactement pour situer les auditeurs? Bien, c'est quoi la différence? Bien, la différence, je ne sais pas si souvent on compare ce que je dois faire avec une approche qui est plus traditionnelle, qui est celle qu'on a connue dans le fond quand on était à l'école. Moi, j'ai 35 ans. Je veux dire, quand j'étais au primaire, c'était assez simple. C'est randonnion, pupitre, manuel, etc. On tourne la page en même temps. C'est ça, les amis. Puis même si on n'est pas amis, c'est pas grave. Ils nous appellent tout le temps les amis. Oui. Fait que dans le fond, c'est sûr que si on compare à j'utilise un manuel, on est assis avec des pupitres, puis ça, ben ça fait longtemps que je suis plus là du tout. J'ai jamais eu. Moi, ce que je veux, c'est d'offrir un climat, dans le fond, familial. Parce que l'équipe, dans le fond, équipe Monsieur Éric. Oui, c'est ça, c'est une équipe. Ouais, c'est pas une classe, c'est une équipe. Non, parce qu'une classe, dans le fond, techniquement, si on cherche un petit peu là, dans le dictionnaire, on se rend compte que c'est un local. Puis je me vois mal définir des êtres humains qui se développent par un mot qui désigne une pièce. Ouais. Fait que de là vient le mot équipe Monsieur Éric. Puis, dans le fond, justement, c'est de créer une espèce de famille autour du geste d'apprendre. Moi, je dirais que là où c'est différent, c'est que je travaille beaucoup, beaucoup via le ludique, via le jeu. Puis oui, on va utiliser la robotique, oui, on va utiliser Minecraft, puis tout ça, mais même dans le jeu, dans la manière de jouer des mots, de raconter des histoires, de créer des histoires. Je vais y aller avec des petits exemples vite. Admettons qu'on veut travailler le schéma narratif. On a une heure. Bon. On a une heure ensemble. T'as le temps. Ah, c'est bien. admettons qu'on veut travailler le schéma narratif. Donc, tu sais, comment écrire une bonne histoire? Ben moi, je vais démarrer en utilisant les trois meilleures intros que j'ai vues au cinéma de ma vie. Puis on en discute ensemble pourquoi ces introductions-là, dont Star Trek 2009, pourquoi ces intros-là sont parfaites à mon sens. On en discute, on en parle, on décortique. Ouais. Puis après ça, on va modéliser ensemble ce serait quoi l'intro parfaite pour nous, tout ça. Fait que j'utilise beaucoup le cinéma, mettons, en français. Oui, Minecraft en mathématiques, mais à la limite en univers social. Si on veut reproduire le Québec de la Nouvelle-France, ben il y a moyen avec Minecraft de le faire. Il y en a qui le font très bien ailleurs aussi au Québec, dont François Bourdon à Montréal, qui est une de mes inspirations. Là. Donc, il y a ça pour le français, tout ça. Je veux dire, on va bouger dans le local quand on a le temps de faire des maths. Au lieu de parler d'une réseau, au lieu de leur donner une réseau toute faite, ben je vais improviser une réseau mathématique dans laquelle il faut fuir des zombies qui veulent nous manger le cerveau. Et en même temps, je dirais que quand on va parler de maths, ben on va essayer de rattacher ça à des trucs beaucoup plus précis comme, bon, un jour, tu vas avoir à gérer un budget. Un jour, on va te mettre une carte de crédit dans les mains. Un jour, on va faire de toi un consommateur. Ben, y a un cours un peu économique. Y a un petit cours d'économie en même temps là-dedans. J'essaie d'être extrêmement ludique, vraiment, de partir des fois à des années-lumière de la réalité, autant que des fois, souvent même, j'essaie de connecter avec le très terre-à-terre. Puis je trouve ça beaucoup plus profitable pour le pré-ado ou l'ado, parce que le mot enfant, des fois, c'est dangereux en sixième année, il faut faire attention. je trouve ça beaucoup plus payant d'avoir à parler du pourcentage en utilisant les taxes, parce qu'inévitablement, ils vont être confrontés à des paiements, des intérêts. À un moment donné, il faut apprendre. Fait que dans le différent, je sais pas, j'aurais le goût de demander aux filles qu'est-ce que je fais de différent des autres profs, parce que je suis pas bon. Oui, parce que moi, je veux les entendre. Je leur ai dit, vous pouvez intervenir quand vous voulez, vous pouvez y couper la parole. Il n'y a aucun problème, on n'a pas de règles non plus dans l'émission. Qu'est-ce qui fait de différent votre prof ou votre ancien prof, dans ton cas, Delphine? Moi, ce que je trouve de beaucoup différent, c'est que on est tellement habitué, mettons, à partir de, tu sais, mettons, troisième, quatrième année, cinquième année, de travailler dans des manuels, de travailler beaucoup strict, je trouve, tu sais. Ouais. On a des choses à faire en particulier, tandis que avec M. Eric, ce que j'ai pu voir, c'est que on... je sais pas comment dire ça. On n'est pas en train de... Mettons, on est en train de faire des de l'histoire. Ouais. Ben, tu sais, ce sera pas... strict, tu sais, on parle de ça, ben on peut aller, on peut complètement changer du sujet, comme, on appelle plus que ça les dérapages. Ouais. Les dérapages, ok. On dérape beaucoup sur le sujet, fait comme ça, tu sais, ça, c'est pas tout le temps, on n'est pas tout le temps en train de parler de la même chose, puis j'aime ça. Il y a des exemples, il y a d'autres exemples aussi qui arrivent, quand vous faites les dérapages, ben ça a rapport aussi en même temps avec ça, mais vous êtes pas dans le livre, là. Ouais, c'est ça. On n'est pas complètement dans... Dans ce qu'on fait présentement. Mais ça, c'est drôle, les dérapages, parce que je parlais avec une ancienne élève, maintenant, secondaire 5, vendredi passé. Puis le premier sujet qu'elle m'a ramené, c'est « Ah, c'était le fun quand on dérapait. » C'est drôle, hein? Bah, d'une année à l'autre, les dérapages... Je vois Delphine qui fait oui de la tête, là. les dérapages, on dirait que c'est... Quand je leur demande c'est quoi qu'ils ont le plus aimé dans l'année, c'est les dérapages. Mais les dérapages, dans le fond, là, c'est... Une autre façon d'apprendre. Ben oui, mais en même temps, c'est des discussions sur tellement d'éléments de culture générale, là, ça n'a aucun sens. Je veux dire, on peut être en train justement de parler d'univers social, puis là, à un moment donné, je sais pas pourquoi, on va se retrouver. Là, je ramène encore les zombies, là, je t'en ai, mais on va parler de zombies. Ah, c'est pas grave. Sauf que là, vu qu'on a un élève qui a de l'intérêt, mettons, pour la médecine, ben là, il va lever la main, puis il va dire, ou il lèvera pas la main, parce que lever la main ou pas, moi, c'est pas important, ça. Si tu Non, parce que ça, c'est. Okay. Dans le fond, tu vas lever. Pourquoi tu lèves la main? S'il n'y a personne qui parle, prends la parole. C'est plus simple. Puis si tu lèves la main, pourquoi tu la gardes dans les airs? Ça fait pas de sens, ça te fait mal. Fait que fais-moi signe. Si je t'oublie, refais-moi signe. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais, c'est plus de faire un signe. Ouais. Fait que, mettons, on parle des zombies, sauf que là, whoop, on va switcher en médecine. Dans le fond, si tu plausible, ça se peut-tu? Y a-tu des cas à vérifier? Puis moi, ce que j'aime bien, c'est googler en direct. J'ai un écran de télé sur le coin du local. OK. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai un élève souvent qui est devant le clavier et qui va bloguer en direct sur ce qu'on est en train de jaser. Fait que c'est le fun parce que ça me challenge beaucoup, là, au sens où si je dis une niaiserie, je me le fais dire assez rapidement. Puis en même temps, ça permet de mettre du visuel très rapidement sur certains éléments de je parle. Tu sais, je vais parler, mettons, là, on est en médecine, puis là, on va expliquer comment ça marche des microbes et tout ça. Ouais, mais microbes, c'est assez flou. Mais là, tu sais, YouTube, 3 minutes, puis tu trouves une vidéo dans le kit. C'est 2 secondes. Oh, fait que c'est ça. Fait que j'utilise beaucoup, beaucoup de visuels comme ça. Mm-hmm. Puis, j'allais faire du pouce sur quelque chose que tu avais dit au niveau de la liberté post-strict. On est en train d'en vivre, un dérapage, là? C'est possible. C'est possible, hein? C'est possible. Ça veut dire que c'est le meilleur bout, alors à la maison, soyez attentifs. Mais de toute façon, à toutes les semaines, j'en fais des dérapages c'est aussi. Bon. Fait que continue, c'est mon pain, mon problème. Bord. Non, mais elle parlait tantôt de la l'idée de ne pas être strict. Moi, je crois beaucoup, beaucoup justement à ce principe fondamental-là qui est tu es dans un local et tu y es libre d'apprendre. Je suis pas constamment en train de t'imposer ma vision comme adulte, ma gestion comme adulte, puis un peu mes frustrations comme adulte. Écoute, moi, je vois ça de même, fait que ça va être comme ça, parce que moi, je les laisse très, très libres, tant et aussi longtemps. D'explorer aussi. Oui. D'explorer leur propre opinion. Exactement. Ça, c'est intéressant. En fait, la meilleure façon qu'un groupe de gens, de jeunes dans mon cas, va fonctionner, c'est celle qu'elles vont créer par eux-mêmes. Tu sais, le sentiment d'appartenance, c'est pas pour rien que ça s'appelle équipe Monsieur Eric, c'est pas pour rien que je parle de famille. Le sentiment d'appartenance, dans le temps que je travaillais à l'Université Laval avec le Rouge et Or, ça fonctionnait assez bien pour le football. Fait qu'une fois rendu dans une classe, je me dis que ce sentiment-là d'appartenance est tout aussi bon, là. Ben, c'est parce que j'imagine les introvertis, les extrovertis, il y en a dans toutes les classes. On est soit un, soit l'autre, ou des fois, on est à mi-chemin. J'imagine, on peut aller aussi du côté de José, si tu veux, Eric. Il n'y a aucun problème. on va laisser parler tout le monde. Non, c'est parce que j'ai toujours... les gens qui sont autour de la table, c'est tous des gens qui sont avec moi tous les jours, et je me valide beaucoup auprès d'eux. Alors, je regardais José, Delphine et Megan pour savoir si je faisais bien ça. Oui, il n'y a aucun problème. C'est super intéressant même. Mais je parlais des extrovertis, des introvertis. J'imagine le fait que c'est une équipe, ça doit intégrer pas mal tout le monde. C'est quoi les forces de ce programme, de cette façon d'enseigner-là, qu'on peut les mélanger ensemble, ces deux univers-là? Moi, je dirais que c'est... tu sais, c'est progressif, c'est pas de la magie non plus, là, tu sais, tu deviens pas une équipe du jour au lendemain, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans les milieux de travail, c'est vrai dans une classe aussi, puis c'est certain que chaque élève a ses différences, puis parfois, tu sais, ça serait utopique de penser que tous les élèves vont s'impliquer dans l'équipe, que tous les élèves vont s'impliquer au même niveau, je veux dire. Non, c'est ça, bon, ça moi, va être à différents niveaux. Ouais, c'est ça, fait que tu peux pas, tu sais, faut être lucide mais aussi. Mais tout le monde est inclus, ou ça c'est le fun. Mais je te laisse pas vraiment le choix, là, mais tout le monde doit contribuer à sa manière. Ben, tu sais, on parlait tantôt, par exemple, moi, à l'école, il y avait une classe avec... il y avait juste un ordinateur. OK, on recule, là, ça trahit mon âge. Puis, c'était celui qui avait les meilleures notes, qui avait le droit d'aller dans cette classe-là pour aller faire des cartes de fête puis des textes. on est loin de la tablette puis du Minecraft et compagnie. Mais, par exemple, dans votre classe, c'est... Peu importe la note qu'on va avoir, parce qu'il y en a qui ont plus de difficultés, j'imagine, en étant plus proche des élèves, on peut détecter plus facilement qui est-ce qui a de la difficulté au lieu d'attendre l'examen. Puis aussi, ça... Oui, puis il n'y a pas d'examen en 6 dans ma classe. Il doit avoir de l'entraide. Il n'y a plus de note. Fait que... Il n'y a plus de note? Non, j'ai plus de note. Cette année, j'ai pris la décision. Je m'engageais déjà pas mal là-dedans. J'ai jamais été un envoyeur de notes beaucoup. Là. Ah ouais. Par contre, j'arrête pas de dire aux parents, appelez-moi, on va s'écrire, on va se rencontrer pour parler des difficultés de votre enfant ou c'est quoi ses défis, ses forces, etc. Mm-hmm. Mais d'envoyer un pourcentage à la maison, je trouve que ça fait plus de mal que de bien à la limite. Puis que c'est un peu poche de définir les performances d'un élève avec un nombre qui veut à peu de choses près rien dire. Mm-hmm. Alors que là, ce vers quoi je m'engage beaucoup, c'est de dire j'envoie aucune note chiffrée à la maison. J'en parle à ma rencontre de parents la semaine prochaine. Mais ce que j'envoie, justement, ça va être un commentaire au niveau des forces de l'élève cette semaine, ouais. Soit en français, soit en maths, soit dans peu importe quoi. Puis un commentaire en mathématiques aussi, où là, whoop, on va cibler des défis, des trucs comme ça. Fait qu'une force, un défi par semaine, c'est mon objectif. Je suis pas sûr que je vais être capable là, ça va peut-être être aux 2 semaines. Mais même le concept de note, j'essaie d'évacuer ça pour vraiment se concentrer sur l'individu. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi les comportements observables que je peux dire? Ça, c'est winner, ça, c'est à travailler. Ben, je regardais justement, parce que j'ai été fouinée sur le site d'équipe Monsieur Éric, okay. Sur à partir du site de l'école. Moi, ce qui m'a fait rire là-dedans, c'est les valeurs, par exemple, parce qu'on parlait de différence. Les valeurs, le code des samouraïs, ouais. C'est quoi ça? Moi, j'ai vu, on parle de justice, de courage, mais de bienveillance, de respect, d'honneur, de sincérité, de loyauté, rien de moins. Puis c'est correct en même temps, là. On peut voir que déjà au départ, c'est l'humain qui est mis au centre. Ben, c'est qu'il n'y a pas de règles, dans le fond. C'est dans ça, mon y local, il n'y a aucune règle. Il n'y a, des règle. Y a que des valeurs. Parce que dans le fond, puis je veux dire, idéalement en société, ce serait de même. Ben, c'est un peu comme ça, des fois, parce qu'il y a des exceptions. Mm-hmm. En frais de comportement inacceptable, on est obligé de mettre des règles. Ouais. Ben, honnêtement, dans ma classe, dans mon local, on fait tout pour ne pas avoir de règles et on préfère être animé par des valeurs, justement. Puis si c'était vrai pour les samouraïs dans le Japon féodal, c'est encore vrai aujourd'hui en 2016. Là. La bienveillance, ouais. Je considère que c'est une bonne chose encore. Puis comment... moi, je parle aux deux filles qui sont ici... comment vous avez vécu ça quand vous avez vu ça, les valeurs, le code samouraï? Comment on réagit quand on voit ça? On pense pas, quand on arrive en sixième année, de voir ça? Oui, étant donné que c'est très différent depuis qu'on est tout petite à l'école primaire, la première, la deuxième. C'est toutes des règles qui sont déjà et qui restent à travers les années. Puis moi, j'ai été à partir de la quatrième année, je me suis un petit peu habituée à... l'intérêt de M. Eric envers les élèves et l'enseignement mm-hmm. Différente. On courait ensemble, je pense. Oui. Donc, j'étais en transformation. Oui. Puis, quand je suis arrivée dans sa classe, c'est vraiment devenu une habitude. Puis, je trouvais ça que c'était vraiment mieux comme ça. Oui. Puis, les valeurs, je m'en sers tous les jours que j'ai appris dans sa classe. Tu t'en sers encore aujourd'hui? Oui, tous les jours. C'est quelque marqué, chose là. Que je trouve qui est inacceptable. Ça ne rentre pas dans mes principes, ça ne rentre pas dans mes valeurs. Wow. Moi, j'aime ça entendre des filles de votre âge parler comme ça. Moi, ça m'inspire. justement, quand on a des valeurs aussi grandes que celles-là que vous avez parlé, je reviens aux introvertis. Je sais pas pourquoi ils m'interpellent. Mais ceux qui sont un petit peu plus dans leur bulle, qui sont... Il y a un outil. Comment on les intègre? Parce que, dans le fond, il y a de l'intimidation aussi. On entend beaucoup parler. Ouais. Il doit en avoir moins dans vos classes. C'est une bonne question, ça, par exemple. Là, factuellement parlant, est-ce qu'il arrive des événements d'intimidation? J'ai pas dit que c'était à 0%, mais non, ça doit être diminué, le fait que c'est une équipe. Je dois dire qu'entre... Je vois Delphine qui a quand même fait 2 ans qui fait non de la tête, là, mais je pense, j'ai la prétention de penser que entre eux, mes élèves, quand ils sont assis, dans le fond, dans mon local, même si ça déborde jusqu'à la récréation, des conflits qui vont jusqu'à de l'intimidation, je pense pas que ça existe parce qu'il y a l'espèce de, justement, toutes les valeurs qui nous regroupent comme équipe font en sorte que c'est comme impensable. C'est clair pour tout le monde. Ouais. Fait qu'il y a ça, mes élèves versus mes élèves, mettons. Mm-hmm. Mais pour ce qui est des introvertis, il y a un outil que j'utilise, par exemple, qui est bien, je trouve, c'est, bon, je fais des capsules vidéo, je mets sur le web, les élèves bloguent. On utilise beaucoup, beaucoup le blog. Ouais. Mes élèves écrivent beaucoup. Ils ont à peu près pas de travaux à faire à la maison. Je mets de l'étude, mais bon, je suis un homme lucide. Oui, parce que c'est une classe inversée, là, dans le sens que les capsules que tu parles... C'est de la révision. C'est de la révision, puis les devoirs qu'on ferait habituellement à la maison sont faits le lendemain ensemble. C'est ça, retours, dans le fond, qu'on va faire plus papier-crayon ou tablette, ou même, je dirais, crayon-table, parce que mes tables, on peut écrire dessus, effacer dessus, puis tout ça, là, c'est super pratique. Dans le fond, le blog, ce qu'on constate, puis ce que j'ai vécu, c'est que les élèves plus introvertis, plus gênés, qui sont moins à l'aise pour parler devant un groupe, mettons, le blog, c'est comme, tu sais, l'espèce de distance avec l'écran. Ça fait en sorte que des fois, on a des élèves, moi j'ai vraiment un nom en tête là, que j'ai eu pendant 2 ans, on a des élèves des fois qui parlent à peu près pas dans le local, qui, une fois sur le blog, sont de véritables écrivains, là. C'est des scripteurs. C'est-à-dire que là, ils voient pas le public, ils sont devant l'écran, c'est ça, puis c'est une première façon de les amener comme à être vivant dans le local, parce que le lendemain, je vais reprendre leurs commentaires sur le blog, puis je vais dire, mettons, Mégane, bon, OK, je peux te prendre un commentaire, Mégane? Le Mégane qui est introverti va comme être gêné, puis va dire, oui, OK. Ce que j'aime dans le commentaire de Mégane, c'est tel truc. Fait que, veux pas, je peux valoriser la place qu'il a pris sur le blog. Je le fais en classe. Fait qu'une fois que j'ai valorisé ça sur le blog, en ligne, il y a plus de chances que ce comportement-là peut-être finisse par se traduire concrètement dans le local avec les autres êtres humains qui sont présents. Mm-hmm. Fait que ça, c'est une première manière des années. Puis il y a aussi le fait que on joue beaucoup de plein de façons possibles. Puis peu importe le style d'élève que t'es, que tu sois hyperactif, que tu aies un déficit de l'attention, que tu aies un trouble du spectre de l'autisme, peu importe quoi, il reste que le jeu, c'est fondamental chez l'être humain. Tous les êtres humains aiment jouer. Oui. Fait qu'à travers ça, je réussis à ramener un peu mon monde. On va continuer. On va aller prendre une pause. Je vous en ai sorti une, justement, les sœurs Boulay avec sac d'école. Cool. Je suis restée dans le thème. Je suis thématique. Puis après ça, on va parler un petit peu plus avec Josée parce qu'elle est discrète, Josée. Elle te laisse la place. Puis on va parler de comment on l'intègre, tout ça dans le mode le travail. Comment on met, parce que c'est beaucoup d'heures. Tu me disais que c'était énormément d'heures. Puis comment on intègre tout ça, l'ancienne façon, la nouvelle façon. Puis comment aussi, les deux, vous allez pouvoir me répondre. Puis Delphine et Mégane, vous allez pouvoir aussi me répondre. Les parents, comment ils ont réagi? Comment Éric, il n'y a pas eu des pots de fleurs là, au début nécessairement. Il y en a eu peut-être, là. Peut-être des fleurs, mais il y a eu des pots aussi. Beaucoup de questions, ça c'est beaucoup sûr. Beaucoup de questions, ouais. Hein? Écoutez, on va en parler après la pause et puis on revient tout de suite à Boulay. J'ai vu ça passer cette semaine au Danemark. C'est super intéressant, puis je vais peut-être pouvoir en parler aussi avec les invités, peut-être qu'ils sont, c'est déjà intégré. Mais au Danemark, depuis 93, les Danois de 6 ans à 16 ans, ceux qui sont à l'école, ont une heure de cours par semaine pour l'empathie. Dans ces cours-là, puis c'est obligatoire, dans ces cours-là, les élèves apprennent à communiquer, à écouter, à échanger entre eux pour, par exemple, trouver une solution ensemble à un problème. Donc, les enfants développent, découvrent les émotions, les ressentent, apprennent à les ressentir aussi. Et puis, ben, selon des études, ben, l'empathie développée jeune, ben, ça fait des futurs adultes heureux, plus équilibrés, puis plus épanouis. Puis c'est ça qu'on veut, dans le fond. Tout le monde court après ça. Peut-être si on mettait une heure par semaine minimum pour développer l'empathie. Donc, c'est pas étonnant en même temps là, que le Danemark soit le pays où est-ce que les gens sont le plus heureux. Donc, on pourrait amener ça ici. Ça serait intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Une heure d'empathie par semaine, ça serait intéressant, non? Ben, systématiquement, on le fait peut-être pas une heure par semaine, mais à tous les jours, on en fait. Oui, j'aurais tendance à dire qu'on fait même plus qu'une heure par semaine, parce que, surtout dans le principe d'équipe chez nous, comme chez José, comme dans d'autres groupes et tout ça, tu sais, on est constamment en train de parler de ce qu'ils vivent entre eux autres, de ce que ça a eu comme conséquence. Est-ce que t'as essayé de voir la situation avec les lunettes de l'autre? Parce que l'autre, il ne veut peut-être pas de mal, là. Il voit peut-être juste ça d'une autre manière. Fait que, moi, j'ai tendance à, en tout cas, je pense aux profs de notre école, on le fait déjà beaucoup, je pense, ça. Mais je sais pas. Tu sais, pour parler d'empathie, je pense qu'il faut commencer par créer un lien. Puis ça, on le fait. Je disais peut-être que vous le faites déjà, parce qu'en étant une équipe, en étant ensemble, puis en trouvant des solutions souvent ensemble, puis en travaillant, puis en s'amusant, tout ça, là, tout en gang d'équipe, tout en équipe, ben. Mais tu sais, dans le fond, on n'a rien inventé non plus, parce que la classe parfaite, là, je peux la dire, c'est laquelle? C'est la classe de maternelle. Là. C'est pas compliqué. Ben, moi, quand on arrive dans mon local, ça ressemble à une classe de maternelle. Ben, c'est le flash que j'ai eu. Ouais. Ben, c'est ça. C'est drôle, hein? Ça que ça m'a fait penser. Ouais, puis il y a plusieurs de mes idées. Moi, ma copine aussi travaille dans le milieu de l'éducation et tout ça. Elle travaille avec les plus petits. Puis, je veux dire, il y a plein de trucs que je me suis inspiré, que je suis allé chercher en parlant avec elle, entre autres. Je veux dire, si c'est bon à 5 ans de s'asseoir ensemble avec le prof au milieu pour discuter, justement, d'une problématique, comment on peut la résoudre, les amis, etc., quel outil on a besoin, mais c'est vrai encore en 6e année. Puis, c'est pratiquement encore ça, je veux dire. C'est arrivé souvent que moi et mes élèves, on sort dehors, on s'assoit en cercle, et on cherche des solutions, là. Tu sais, on n'invente rien, dans le fond. Fait que maternelle, tu sais, puis la maternelle... Ben, c'est l'interrelation, C'est ça. Le préscolaire, c'est beaucoup changer. Ça, je trouve. Tu sais, moi, je regarde les profs de presco à mon école, je les trouve exceptionnels. Tu sais, j'ai vois hyper humains avec leurs élèves. Puis mon fils, je l'ai vu aller, tu sais, au préscolaire aussi, avec sa prof. Puis je trouvais ça tellement beau, le temps qu'ils mettent à créer des relations entre ces élèves-là, puis tout ça. Que je pense qu'elle a la formule magique, qu'on appelle ça de l'empathie ou peu importe l'approche, le presco fait foi de tout. Oui, mais c'est ça, mais d'apprendre à développer les émotions, les reconnaître, tout ça, des fois, c'est pas toujours à la maison. Malheureusement, il n'y a pas toutes des familles parfaites, puis c'est pas ça non plus là, qu'on cherche à faire, mais tu sais, des fois, à la maison, tout dépend ce que les parents ont vécu déjà, ben ils vont moins parler des émotions, vont plus les retenir, puis s'il y a une place au moins que les jeunes peuvent les explorer, peuvent les découvrir, tout ça, puis les ressentir aussi à quelque part, ben ça peut être intéressant, là, au lieu de parler juste de colère, puis soit grosse colère, soit grosse joie, ben là, tu sais, on vante les deux, là. Il y a des zones grises aussi. On parlait aussi avant la pause, José, toi, de ton côté, t'intègres tranquillement, puis ça prend beaucoup d'heures, tu me disais aussi. Oui, moi, je suis une différente qui commence à s'assumer. Hey, moi, j'aime tellement ça. Moi, j'aime ça quand il y en a qui se convertissent à la différence, parce que on peut pas être toutes dans le même moule tout le temps pareil. C'est impossible. Puis quand il y en a qui assument, puis qui sont contents, puis ben tant mieux. Puis c'est... comment je peux dire ça? C'est vraiment... Comment ça s'est arrivé de décider, ben finalement, je regarde ce que Eric fait, puis je vais l'intégrer tranquillement. Comment on décide, si on peut dire ça, si on peut dire que c'est décidé? Là? Au départ, quand Eric est arrivé à l'école, tout le monde le voyait comme un extraterrestre. De moins en moins maintenant, je pense. C'est sûr que faire différent pour les autres, souvent, c'est un peu synonyme de « ça fait peur ». Ouais. Parce que oui, tu le vois, tu te lances sans filet. Moi, présentement, je me lance pas sans filet parce que j'ai une très belle, j'ai du soutien alentour de moi. Mais quand tu veux faire différent, il faut que tu acceptes de lâcher prise sur plein d'affaires. Mm-hmm. Il faut que tu acceptes de changer ta propre façon pour t'ouvrir à l'autre. On parlait d'empathie, d'ouverture sur les autres. Ouais. Moi, c'est l'ouverture sur mes élèves. Donc, c'est plus moi qui est là en avant, puis vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Moi, j'étais pas bien là-dedans. OK. Puis si tu y trouves ton compte, puis tu es correct avec les manuels, qu'on tourne toute la page, si toi, tu es à l'aise là-dedans, parfait. Mm-hmm. Mais à un moment donné, il faut aussi penser à l'élève. C'est l'élève qui est au centre aussi de ce qu'on fait. Oui. T'sais, moi, quand je vois, là, j'ai juste commencé la classe inversée cette semaine, puis quand je vois justement les élèves qui bloquent puis qui commencent, pour moi, ça a été une révélation là, qu'après la première journée, l'école finit à 3h15, les enfants sont chez eux à 3h30, puis à 3h35, j'en ai qui ont regardé la capsule puis qui m'ont déjà écrit. Déjà. Donc, pour moi, ça a été une révélation. Puis, en étant en quatrième année où j'étais très bien dans une très belle équipe, ça roulait, on était dans nos pantoufles, si on veut. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, me dire, je ne suis pas certaine que pour moi, c'est le meilleur outil. Et par la bande, pour les élèves, c'est les meilleurs outils non plus que j'utilise. Mm-hmm. Donc, j'avais le goût de faire différent, mais ça a été un cheminement long et quasiment pénible, non? Parce que, tu sais, ça prend une certaine confiance aussi que des fois, on n'a pas. Puis on veut, c'est ça, ça prend beaucoup de temps. Il faut que je réfléchisse beaucoup parce que c'est sûr que chacun est différent. Moi, je veux savoir où je m'en vais puis tout ça. Puis des fois, ça va changer. Là, j'arrive une journée, puis non, c'est pas ça parce que en équipe, on regarde, puis le besoin n'est pas là. Est-ce qu'on a oublié, puis je pose la question à tout le monde même, est-ce qu'on a, avec ce type de classe-là qui chamboule un petit peu la manière d'enseigner, est-ce que ça nous... L'école conventionnelle nous a fait oublier les relations interpersonnelles qu'on a en dehors des cours, en dehors des classes, puis que c'est vraiment juste un bourrage de crâne là, qu'on fait de 8h30 à 3h30, mettons. Puis après ça, est-ce que le fait d'amener le côté, oui, empathique, équipe, respect humain, est-ce qu'on revient aux valeurs qui existent vraiment? C'est-à-dire que, tu sais, ça a l'air bien long, là, ma question, mais bien simple. Mais c'est... Non, mais dans le fond, c'est que est-ce qu'on laisse la place à... Non, mais est-ce qu'on oublie ce côté-là humain quand on arrive à l'école, d'une approche dans le traditionnelle? Côté conventionnel, traditionnel, oui? Je sais pas si les filles... vous avez chacun votre parcours à vous autres. Là. Je veux dire, est-ce que vous sentez que l'humain, vos émotions, qui vous êtes, ça a toujours été une priorité, ça l'est encore? Parce qu'à l'école, qu'est-ce que c'est? C'est ça, le côté humain, y es-tu plus là dans le côté conventionnel de l'école? Pour moi, il est là un peu partout, tu sais, là. Autant mm-hmm. à l'école que dans ma vie personnelle. Ouais. Puis je vois pas vraiment la différence, tu sais. À l'école, j'ai mes valeurs. Puis c'est un peu les mêmes à la maison. OK, avec cette façon d'enseigner-là, par exemple. Ouais, OK. Mais si on va dans une classe où est-ce qu'on, par exemple, José parlait, qu'on tourne la page tout le monde en même temps, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes plus épanoui là? Non, j'imagine. Tout d'affine au secondaire, dans le fond. Toi, c'est ça, au secondaire, commencer. Parce que là, il y a eu tout un mélange, là. Il y a eu toute une différence de passer de la classe à M. Eric à aller justement au secondaire conventionnel. C'est quoi la différence que tu vois de justement tout le monde tourne la page en même temps ou je sais pas comment ça se passe dans ton école? En fait, je ne suis pas sûre vraiment de comprendre la question, mais... écoute, c'est tellement c'est tellement pas clair. Là. Est-ce que dans le fond, ouais. L'humain... là tu sais, les valeurs, puis l'approche, genre, justement, empathique, tu sais, on se parle, on trouve des solutions, tout ça. Est-ce que tu le sens au quotidien dans ton école, au secondaire? La différence que tu as eue au primaire puis au secondaire hein, avec M. Eric. Ah, c'est un gros brainstorm en direct. en fait, au secondaire, je trouve que je me suis un petit peu perdue. quand j'étais au primaire, je trouvais que mon côté humain était encore plus là, parce que j'avais la liberté de m'exprimer encore plus que dans la vie en général. Tandis qu'au secondaire, étant donné que c'est vraiment très différent, je me suis un petit peu plus renfermée, un petit peu casée. Donc, ouais, mon bureau, mes affaires, je suis plus concentrée. Tandis que quand j'étais au primaire, c'était vraiment... j'étais vraiment plus épanouie, si on peut dire ça comme ça. Ben c'était ça ma question. Puis tu as très bien répondu. Puis c'est là où est-ce que je pose écoute, j'ai passé par 50 chemins pour me rendre direct, mais c'était correct la réponse. Puis c'est ce que tu ressens maintenant à l'école, au niveau secondaire. Puis ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le côté plus humain? On continue à cloner Monsieur Eric? Non, s'il vous plaît, non. J'ai déjà de la misère à m'endurer moi-même. Ben, moi, je pense que des profs qui font différent, par exemple, qui ont... Il y en a-tu de plus en plus? Oui, ça fait aucun doute. Ils font différent, mais pas tous de la même manière. Non, mais c'est ça, à leur façon, à eux. Selon nos forces aussi, puis nos faiblesses, je veux dire. Mais, tu sais, veux pas, en étant sur Twitter, Facebook, etc., tu sais, ce que ça permet de faire en gens un peu différents, justement, en éducation, c'est de se rendre compte que, tu sais, on est loin d'être un cas unique, là. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont dans le milieu de l'éducation, puis qui s'inscrivent dans des philosophies qui rejoignent la mienne, la nôtre, aux personnes qui sont assises ici, dans le fond. Fait que, est-ce qu'il y en a de plus en plus? J'aurais tendance à penser que oui. Est-ce que je veux entendre, et avant longtemps, qu'une enfant, une adolescente est épanouie au secondaire? Adolescente, oui. Ouais, qu'une ado est épanouie au secondaire? Oui, là. Tu sais, je veux dire, ce que Delphine vient de dire, là, moi, ça me confirme qu'il faut continuer de parler de ce qu'on fait au primaire. Ça ressemble à... Excuse, je veux pas te couper. Ouais, ça ressemble à l'école alternative, comme on disait tantôt. Ça ressemble beaucoup au principe d'intégrer les gens. Puis je pense que les parents aussi sont intégrés dans ton cas, de la manière que tu fonctionnes. Ben, c'est-à-dire que je leur laisse... Le maintenant, ouais, José aussi. Ben, c'est ça. Nous, dans le fond, c'est qu'on... la porte est grande ouverte. Je veux dire, un parent qui veut s'impliquer, ben, let's go. Tu sais, je veux dire, moi, c'est... Tant que les élèves bénéficient d'une expérience de vie, de quelque chose de concret qui vont les amener justement à se trouver et à s'épanouir, moi, je vais faire entrer le monde dans notre petit univers, là. Ça, c'est certain. Fait que oui, les parents ont de la place, même si au début, ils ont beaucoup de questions, c'est normal. Oui, mais ben, comment est-ce qu'ils ont perçu ça au départ? Voulez-vous stouler vos parents? Allez-y. En fait, pour les miens, voyant que j'étais vraiment heureuse... encore plus que quand j'étais dans les classes plus traditionnelles. Ils se sont rangés de mon côté puis ont essayé d'apprendre. Donc, j'avais du plaisir à leur expliquer comment ça marchait. Okay. Donc, pour mes parents, moi, vraiment, leur réaction par rapport à l'apprentissage plus différent de ce qu'on connaît depuis toujours, ça a vraiment été parfait, selon moi. Ouais. Parce que ça a été... Puis j'imagine qu'on s'accroche beaucoup plus là, à l'école là, dans ce temps-là. Tu sais, qu'on a plus le goût de se lever le matin. Oui, on a envie d'être là le matin. Oui, hein, il y a moins de taux d'absence, j'imagine. Je sais pas, vous autres, pouvez-vous répondre? Mon Dieu. En frais de stats? Y a-t-il moins de taux d'absence? Je peux pas ça dire. La seule donnée qui repose sur aucune structure scientifique quelconque, c'est que nos élèves qui bougent le plus et qui nous demandent le plus d'énergie ne sont jamais atteints par les microbes. Ça, les microbes n'ont pas le temps de les attraper. Ces élèves-là ne sont jamais absents. Ça, je peux le dire. Ceux-là. Ben, c'est souvent le cas. Mégane, toi, tes parents? Moi, mes parents, ils ont assez bien réagi. Oui. Mais tu sais, c'est sûr que ma mère a trouvé ça cool, la manière que M. Eric enseignait, de son univers un peu... De super-héros et de samouraï. Ouais, beaucoup. Ouais. Si je veux dire ça, elle trouvait ça vraiment cool, mais mon père avait beaucoup de questions. Ah oui. Tu sais, mais comment ça qu'il fait ça comme ça? Comment ça que... C'est fait comme ça. Là, c'est comme Delphine a dit, on s'est fait du plaisir à leur expliquer. T'sais, moi, vu que j'étais pas encore dans leur classe, ben, dans sa classe, ben, je pouvais pas, t'sais, trop dire ce que je savais. Mais, tu sais, j'aime. j'allais faire des tours. Fait que là, j'essayais d'apprendre un peu la manière que M. Eric... Puis moi, ce que j'aime, c'est que j'aime parler avec Megan, dans le fond, de ce que les autres lui ont raconté ou lui racontent. OK. Je trouve ça super intéressant. Parce que c'est quoi la perception d'une élève de la perception des autres élèves? Mm-hmm. Parce que dans le fond, c'est pour eux autres que je travaille en premier. Fait que s'il y a des choses qu'ils perçoivent d'une certaine manière, puis Megan, tout le monde y parle. Fait que dans le fond, tu sais, si je vois qu'ils ont mal perçu ce que j'essayais de faire à travers mes discussions avec elle, ben comme je le fais avec Delphine par rapport au passage au secondaire, ben je vais essayer de réaiguiller. De là, l'importance dans le système qu'on a dans une classe, d'avoir des élèves qui sont un peu des bras droits, des bras gauches, des adjoints, appelez ça comme vous voulez, des players comme dans ma classe, mais... ça te prend des élèves qui sont un peu les gardiens du fort puis qui te ramènent à la réalité assez rapidement. Là. Parce que des fois, les profs, on se trouve donc bien clair, donc bien bon, puis « Ah, hein, et que je l'ai! » Puis qu'en ayant une jasette de 2 minutes, tu te rends compte ben, que je l'ai vu tantôt avec ma question qui était pas très claire, qu'on s'est pas gêné pour me le dire. Fait que j'imagine que ça doit être ça. Ben, en fait, c'est dans nos valeurs en quelque part. Moi ils sont toujours invités à faire « excuse ». C'est incompréhensible ce que tu dis. Ah oui. C'est parce que des fois, dans notre tête, c'est tellement clair. Oui, puis la force d'avoir quelqu'un comme José avec moi, tu sais, je veux dire, c'est que moi, José, elle a des forces que j'ai pas, puis ce que je suis content avec son arrivée en 6e année, c'est qu'on se complétait déjà les deux super bien au basketball depuis 2 ans. Mm-hmm. Là, de l'avoir dans mes pratiques pédagogiques, dans nos pratiques pédagogiques, ben encore là, ça va m'amener à me rendre meilleur, comme les élèves m'amènent à être meilleur aussi. Fait que, tu sais, on parlait de l'empathie tantôt, puis discuter, puis ci, puis ça. Là, c'est tout relié. Hein, on le fait beaucoup. Ouais, on le fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Depuis une semaine, parle tous les jours. Il n'y a pas grand monde qui nous ont vus à l'école, à part dans nos locaux. OK. Puis, si je parle, admettons, ben là, on parlait un peu des parents, mais en général, c'est bien reçu. Oui, puis moi, ben, je vais avoir la chance de voir la différence. Mm-hmm. Étant en 4e année, donc, j'ai des élèves que j'ai cette année, qui c'est les 2 prochaines cohortes seront de mes anciens élèves. J'en ai dans ma classe d'ailleurs. Donc, j'ai hâte de voir l'évolution aussi. Parce que oui, j'étais quand même différente à l'intérieur d'un certain cadre dans ma classe. Mm-hmm. Mais j'ai hâte de voir la réaction, mais l'évolution que je vais avoir autant avec les parents, puis les élèves aussi. Tu sais, j'étais déjà bizarre pour eux autres, mais c'est tout le là, monde qui va me trouver bizarre. Oui, là c'est assumé pleinement. Ouais. Là, c'est assumé, il n'y a pas de problème. Justement, on parlait tantôt des écoles secondaires. Moi, j'ai été voir sur le réseau public au niveau des écoles secondaires alternatives qui ont un peu cette philosophie-là, cette façon de penser que vous avez de mettre l'humain devant. J'en ai pas vu à Québec au niveau du réseau public. Peut-être qu'il y en a des privés. Ça, je pourrais pas vous répondre là-dessus, mais... qu'est-ce qu'on dirait à un ministre de l'Éducation? Écoutez, rêvons, là. Mettons qu'il nous écoute, puis qu'on dit, est-ce qu'on aimerait plus d'écoles secondaires alternatives ou est-ce que ça va, ou est-ce qu'on va pouvoir s'épanouir plus? Ça serait-tu intéressant, vous autres? Ben, moi, je vous laisse parler, les 4. Ouais, ben, je vais y aller d'emblée, puis je vais laisser mes collègues après ça prendre le micro. Mais moi, s'il y a une chose que si j'avais le ministre de l'Éducation en avant de moi, là, c'est quoi que j'ai dit, là? Ouais. Ben, non, mais admettons, on peut y envoyer un podcast aussi. C'est bon. Là. Ben, moi, j'aimerais bien ça parce que il y a une chose que je ne comprends pas au Québec en c'est ça, éducation. Vous autres, je veux juste faire une parenthèse parce que vous autres, vous êtes avec les ados. Moi, je vous regarde, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des ados. Ah oui, c'est très important. Ah oui, non, mais moi, je ne veux pas me faire garocher de non, mais rien. Vous, c'est correct. Mais vous, c'est correct. Il y en a que le terme ado... Il y en a que c'est des enfants aussi. Mais vous êtes les 2 pieds sur le terrain. Mm-hmm. Fait que, qu'est-ce que tu voudrais dire? C'est que dans le fond, je ne comprends pas pourquoi au Québec, mettons, que la recherche, tu sais, je veux dire, il y a plein de recherches qui sont disponibles, il y a plein de méta-analyses, il y a plein d'études, il y a plein de trucs qui présentent des pratiques pédagogiques gagnantes, qui portent fruit, puis qui sont utilisées à plein d'endroits dans le monde. Et je comprends pas pourquoi au Québec, dans le fond, c'est si compliqué de donner la place aux chercheurs puis à appliquer ce qu'ils trouvent en travaillant de leur côté. On a plein de bonnes têtes. C'est pas normal qu'un type aussi brillant et intelligent que je respecte et que j'admire, comme Égide Royer, se tue à répéter les mêmes choses depuis 10 et 15 ans, alors que, je veux dire, ça tombe sous le sens. Ça devrait être logique. Mm-hmm. Fait que moi, si je parlais au ministre de l'Éducation, la seule chose que je lui dirais, je l'enfermerais avec des chercheurs dans une salle, je prendrais la clé, je la jetterais par la fenêtre et je dirais maintenant, non, on sort de ça et on crée l'école idéale avec les pratiques pédagogiques les plus gagnantes, innovantes, etc. Là. Mais tu vois, moi, je pensais qu'il y avait trop de bureaucratie. Je pensais qu'il y avait trop de bureaucratie, des gens qui vont pas sur le terrain. Ben, je sais pas jusqu'à quel point on laisse... Ma question, dans le fond, que j'aurais pour lui, c'est... En plus de l'enfermer dans une salle avec plein de chercheurs, ma question que j'aurais pour lui, c'est quoi la place qu'on laisse à la recherche quand vient le temps d'arriver avec une décision? Le ministre de l'Éducation déclare que maintenant, dans les classes, on va faire tout de la main gauche. OK? Mais quand il arrive avec un décret, une patente, n'importe quoi, une idée, là, sur quoi ça repose? Mm-hmm. Est-ce qu'on a posé la question aussi aux élèves, aux étudiants, que ce soit niveau primaire, niveau secondaire, est-ce qu'on leur a posé la question ou on décide pour eux? Quelle question? Est-ce qu'on leur a posé la question qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on leur parle? Est-ce qu'on leur pose des questions concernant le système d'éducation ou on impose? Parce que moi, je ne suis pas dans le milieu de l'éducation. Non, je pose ça. Des questions. Je retournerai ça peut-être vers les filles. Dans le fond, est-ce que vous vous sentez consulté par rapport à ce qu'est votre école? Ça serait-tu une solution d'être consulté, peut-être, d'avoir votre opinion puis votre mot à dire sur la manière d'enseigner? Peut-être. Je ne sais pas si eux, ils voient ça comme ça, là, mais ce serait peut-être une bonne idée d'en parler avec les élèves pour avoir leur opinion. Parce que c'est pas juste les adultes qui ont à décider ça aussi, tu sais. C'est nous qui vivons l'apprentissage scolaire aussi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ce serait peut-être une bonne idée selon moi, je sais pas, selon Delphine. Même avis. Même avis, hein. Pour rendre l'école plus intéressante, faudrait avoir notre vision. Comment qu'on pense, comment qu'on... Mais on décide comment à votre place, finalement. Comment qu'on imagine notre école pour être ouais. bien. Ouais. Ce qui manque au secondaire, c'est vraiment de s'adapter, c'est que les profs s'adaptent aux élèves. OK. Ça, je l'ai répété quand même à plusieurs reprises. Tu trouves qu'ils ne s'adaptent pas, c'est non. ça? Non, en fait, okay. je comprends pour les professeurs qu'ils ont beaucoup d'élèves, mais on a aussi beaucoup de profs, puis il faut quand même s'adapter à chaque prof. Tandis que, étant donné que l'école, c'est fait pour nous, est-ce qu'on pourrait être bien? C'est quand même là où on passe quand même une majeure partie de notre vie. Ben, c'est pas mal d'années. C'est pas mal d'années, là. Donc, je pense que ce serait aux professeurs de savoir notre vision de pensée. Comment est-ce que vous imaginez votre école où vous pouvez être bien, avoir le goût d'y aller le matin pour apprendre? Des fois, ils chialent que... Ah, vous savez, vous êtes content d'avoir l'école. On sait qu'on est privilégié d'avoir une école où aller. Mais quand on pense à autre que tout le malheur que les autres peuvent avoir dans d'autres pays... Je veux dire, je pense que ce serait quand même à nous de... Je sais pas comment dire ça. Je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, mettons, quand t'es pas satisfait d'une situation, le prof va dire, écoute, ma petite fille, t'es chanceuse d'aller à l'école. Exact. Il y a des enfants qui traversent des rivières en affrontant des anacondas et puis qui, t'sais, qui doivent zombies. Revenir la nuit à travers des zombies, c'est ça. Ouais, je comprends. Fait que t'es chanceuse d'avoir une école, fait que plains-toi pas. Exact. T'as vu ça, c'est ça? Mais est-ce qu'elle pourrait plus te ressembler? Oui, c'est ça qui manque c'est au ça, secondaire. C'est ça qui manque. C'est pour ça que je parlais tantôt des écoles alternatives au niveau du secondaire, qu'il n'y en a pas à Québec, que je connais. Puis, justement, là, je me retourne aussi vers toi, Josée, pour... est-ce que tu penses qu'il y a trop de bureaucratie aussi? Ou... Ben ça dépend de quelle puis qu'on place. Devrait peut-être faire plus un espèce... Pourquoi qu'on fait des focus group pour vendre des produits, des yogourts, de tout, mais que l'éducation, qui est quand même la base d'une société, ben on impose, puis c'est comme ça que ça va fonctionner. Ben ça revient un petit peu à ce qu'Éric disait tantôt, c'est que... T'sais, qui prend les décisions? Les décisions sont basées sur quoi? Sais-tu qu'il y a trop de bureaucratie ou que la bureaucratie est mal appliquée ou peu importe? Mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que même au secondaire ou quelque chose comme ça, il y en a des adultes qui sont signifiants aussi. Il n'y a pas juste... T'sais, il faut pas non plus dire ouais. ben ça prend une école alternative, ça prend ci, ça non, prend non. ça. Il faut qu'il y ait aussi une recherche, t'sais, autant du côté des enfants d'essayer d'aller trouver un adulte qui est signifiant pour eux, puis nous en tant qu'adultes qui sommes avec des ados ou des mm-hmm. des enfants, c'est de ouais. devenir le plus signifiant possible parce que veux pas moi aussi je passe la plupart de mon temps avec eux. C'est ça. Mais c'est pour ça que je posais la question. Ouais. D'aller sur le terrain, que le côté bureaucratique que je parle, c'est probablement ceux qui sont dans des bureaux fermés. C'est sûr qu'on aimerait ça, voir beaucoup plus de gens, justement, ouais, du ministère ou de la très haute structure, dans le fond, descendre en bas puis vivre des journées. Je parle pas de venir couper. C'est des grosses journées que vous avez, là. Oui, mais c'est des belles journées. Mais, je veux dire, ouais, au lieu de venir dans les écoles, venir couper des rubans ou dire que le ministère de l'Éducation, grâce à lui. Ou une pelletée de terre. Oui, ça, là. T'sais, venir prendre des kits Kodak, je vous ai, mais venir vivre vraiment des journées, des semaines sur le terrain. Ouais. Mais pour venir à l'alternative, par exemple, j'aime beaucoup ce que José dit, puis c'est très vrai, des profs alternatifs, des adultes alternatifs, il y en a partout. Oui, c'est ça, pas nécessairement l'école, mais de la façon d'enseigner qu'on offre, mais une liberté peut-être. Je pense qu'avec des élèves revendicateurs comme Delphine et Mégane, il y en aura de plus en plus, de toute façon, de ces profs-là, et c'est tant mieux. Puis moi, je pense qu'il y en a plein d'acteurs qui font différents dans le milieu. Ça va changer en se donnant du temps, en étant très patient. Il suffit que la voix soit assez forte, puis qu'on entende aussi. On est capable de crier fort, des fois. Vous êtes capable? On est capable. Pas trop. Je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète. Je regarde Mégane, puis je trouve que... Puis je regarde Delphine aussi, là, puis vous avez l'air assez affirmée. Les filles, je suis pas inquiète pour votre avenir. Je pense que vous savez où est-ce que vous en allez. Ah, c'est déjà fini. C'est déjà fini. On a parlé de plein de choses. Il y a plein de sujets aussi que je voulais parler. On a parlé tantôt de la hors-d'onde TDAH. C'est la façon de s'adapter aussi, que la classe puisse s'adapter, puis de parler à une personne au lieu de parler à un groupe. Je pense que de parler à chaque individu, c'est un plus que vous faites. Un gros merci. Merci à vous. Merci à vous. Un gros merci, José, Martel, Éric Tremblay, Delphine, puis Mégane. Puis, écoutez, vraiment, là, merci de votre générosité d'être passé à l'émission.